Buzy, c'était le génie. Mercredi, c'est aujourd'hui, on est le 14 juin et voici un nouveau 16-20 qui démarre aux commandes du 16-20. Il y a moi, Evan et... Il y a moi, Aurélie. Aurélie, bonjour. Les doudous, il est 16h. Et je vous souhaite une bonne après-midi sur Cristal, peut-être en pleine révision pour le bac qui démarre demain ou en balade un peu partout en Normandie sous un temps ensoleillé. Eh bien, quoi que vous faites, on vous accompagne jusqu'à 20h avec vos hits préférés. Il y aura le tout dernier Imagine Dragons dans un instant. Bonjour Evan. Bonjour Aurélie, bonjour à vous. Alors peut-être que vous êtes stressé juste avant le bac, c'est normal, hein, avant chaque épreuve. On a un petit peu le cœur qui bat, on est un peu ému. On a les mains moites. Voilà, c'est le stress et à propos du stress, il y a Demi Moore, vous voyez qui c'est ou pas? Bien sûr. C'est une actrice qui a 54 ans aujourd'hui, qui était sur le plateau du célèbre animateur Jimmy Fallon aux États-Unis, et elle a révélé qu'elle avait perdu ses deux dents de devant, non pas à cause d'un accident, mais à cause du stress. On peut perdre ses dents à cause du stress, mais tu vas les stresser encore plus, les bacheliers, là, les pauvres, ils vont se dire. J'ai appris ça aujourd'hui. Voilà, c'est une des conséquences du stress. Ça a un nom bien particulier puisque ça s'appelle le bruxisme. D'accord. Comme ça, vous pourrez le sortir ce soir au dîner. Tiens, chérie, tu sais ce qu'est le bruxisme? Et en fait, l'idée du bruxisme, plutôt les conséquences, c'est que le stress, ça fait grincer les dents pendant le sommeil. On les serre très fort et au bout d'un moment, ça endommage les mailles et ça peut les faire tomber. Du coup, c'est ce qui est arrivé pour Demi Moore. Et elle s'est tout naturellement fait poser deux fausses incisives devant. Alors maintenant, elle a un très beau sourire. Vous pensez que, par exemple, quand vous verrez David Guetta qui a des fausses dents devant, peut-être il a des fausses dents lui aussi est stressé. Voilà, peut-être l'effet Bruno Guillon également. J'étais hyper stressée quand j'ai perdu ma dent, que je me la suis cassée du coup. Donc voilà, c'est encore une preuve que le stress n'est pas bon du tout et qu'il faut plutôt la jouer, comme nous l'après-midi, à la cool. Et c'est cool parce que nos bacheliers vont avoir peur de perdre leurs dents cette nuit du coup. C'est pas très sympa ça. Un petit sourire va passer. Voici par Time Friends sur Cristal. Here we are. Ici nos âmes tutoient le ciel et nos hymnes éternels. Here we are. Lors de nos dernières transes, laisse un vide immense. Here we are. Je t'emmène une dernière fois suivre cette lumière. Crystal. This is Imagine Dragons. Découvrez le nouveau hit d'Imagine Dragons, Believer. Sur Crystal, première hit radio en Normandie, Chris Cab dans quelques instants et Aurélie dans 10 minutes. Qu'allons-nous faire dans le 16-20? Eh bien, vous allez pouvoir gagner vos 3 passes, vos passes 3 jours, surtout pour le Green Horse Festival de Mokanchi avec la personne de votre choix. Soyez là puisque c'est dans moins de 10 minutes sur Crystal, après notamment Oshi. C'est une nouveauté française et comment je vais faire? D'abord, j'ai perdu des amis, j'ai perdu du temps. Ensuite, je t'ai perdu toi aussi. Pourtant, tu sais que dans ma vie, tu fais la pluie et le beau temps. Je sais plus comment les attraper, les mains qu'on me tend. Bien sûr que je voudrais m'arracher des bras de la solitude qui m'enlacent trop souvent. Si mon cœur est en verre, comment voir à travers? Franchement, je sais pas moi-même ce que je... lâcher un peu. Adieu, jolie mélancolie. Je veux plus de toi dans ma vie, t'as trop traîné dans mes yeux. Mes yeux, tatoués de nuit blanche, se ferment pour toi. Des souvenirs en avalanche, et c'est l'effet boule de neige qui me ramène dans tes bras. J'ai le cœur en hiver, longtemps que j'ai paumé le printemps. Je sais pas vraiment ce qui Kygo arrive avec Selena Gomez dans quelques instants sur Cristal. C'est l'heure de vous offrir des beaux cadeaux puisque nous allons prendre la direction d'un festival avec Aurélie et d'un passe 3 jours. Direction l'hippodrome de Mokanchi près de Rouen, 30 minutes pour le Green Horse Festival qui accueille cette année du beau, du lourd avec notamment Boulevard Désert. Il y aura aussi Vianney, De Palmas, Clou du Capéo, encore Black M pour les enfants, j'y pense, mais ils en sont vraiment fans. Et on vous offre deux passes valables sur les 3 jours du festival qui a lieu le 7, 8 et 9 juillet prochain. Mais pour ça, il faut vous inscrire. Allez, direction les SMS, Cristal au 7, 11, 12. Vous commencez bien votre message par Cristal, suivi de votre prénom, de votre numéro de téléphone. Vous envoyez tout ça au 7, 11, 12. Et si vous avez de la chance, vous êtes rappelé par l'un ou l'une d'entre nous. Et si jamais vous décrochez, eh bien vous aurez déjà quasiment les pieds sur la scène, ou plutôt en bas de la scène de ce festival. Enfin, vous pourrez peut-être aller sur la scène si vous avez de la chance aussi. Bonne chance, à vous. Quand nos Gaulois ne sont pas en train de repousser l'envahisseur, ils ont de quoi s'amuser. Cristal vous invite au parc Astérix, l'irréductible parc. Aurélie et Evan, l'après-midi, vous offrent vos entrées. Venez profiter des 40 attractions et partez à la découverte du mythique Pégase Express, nouveauté 2017 du parc. Un max de sensations pour petits et grands. N'oubliez pas votre potion magique. Et écoutez Cristal toute cette semaine. Plus d'infos sur parcastérix.fr. Et si faire installer la fibre 100% fibre changeait tout à la maison? Depuis qu'il a fait installer la fibre Orange, je trouve mon père beaucoup plus drôle. Moi, depuis qu'il nous a apporté la fibre Orange, j'adore quand mon père me montre ses photos de moto. Et moi, avec la fibre Orange, mes enfants me trouvent encore plus cool. Avec Livebox and Fibre, devenir le héros de la famille ne coûte que 19,99€ au lieu de 38,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Livebox en location plus 3€ par mois. Prix avec remise de 14€ par mois et remboursement de 5€ par mois en changeant d'opérateur. Valable jusqu'au 5 juillet 2017 en métropole sous réserve d'éligibilité. Conditions sur orange.fr. Toyota. Hey, hashtag voiture qui claque. Hashtag nouvelle Yaris. Hashtag made in France. Hashtag stylé. Hashtag hybride. Hashtag oui, et pas besoin d'abrancher. Hashtag je l'essaierai bien. Hashtag va plutôt chez Toyota. Pendant les journées hybrides pour tous, la Toyota Yaris France hybride est à partir de 169€ par mois, entretien inclus. Découvrez toute la gamme hybride pendant les portes ouvertes de ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers jusqu'au 30 juin en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 2 200€. Sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voir Toyota.fr. Volkswagen véhicule utilitaire présente. Question pour un pro. Attention, question à 1€. Étendu jusqu'à 4 ans, je protège votre véhicule pendant tout votre financement. Je suis... Il me le faut. Ah oui, c'est... Je suis l'extension de garantie à 1€ par mois. Quels que soient vos besoins, nous avons la réponse. En ce moment, l'extension de garantie jusqu'à 4 ans est à 1€ par mois sur la gamme Volkswagen véhicule utilitaire. Extension de garantie valable en crédit bail de 36 à 48 mois sur la gamme utilitaire jusqu'au 31 juillet 2017 si acceptation par Volkswagen Bank. Offre réservée aux professionnels, conditions sur volkswagen-utilitaire.fr. Entretien auto? Euro Répar Car Service, la confiance, ça s'entretient. Pour bien préparer l'été, vous avez des bons plans chez Euro Répar Car Service? Bien sûr! En ce moment, profitez d'une remise de 50% sur l'achat de votre deuxième pneumatique pour rouler en toute sécurité. Et pour prendre rendez-vous? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur eurorépar.fr. Euro Répar Car Service, plus de 1400 garages près de chez vous pour l'entretien de toutes les autos, toutes marques. Offre réservée aux particuliers du 1er juin au 31 août 2017 chez les réparateurs participants. Modalité sur eurorépar.fr. Intermarché vous propose d'écouter 5,10€. Excusez-moi. Ah, ça va mieux. Alors, le prix du paquet de dosettes de café classique Senseo est à seulement 5,10€ avec en plus 50% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 375 grammes, soit 13,60€ le kilo. Jusqu'au 18 juin, modalité et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ce temps chez Renault. La French Touch Renault fait son cinéma. Allez, palmarès. Meilleure lumière, Clio avec sa signature lumineuse full LED. Meilleurs effets spéciaux, encore Clio avec Easy Park Assist. Oui, on se garde sans les mains, alors on peut l'applaudir. Et enfin, le prix du meilleur prix revient à Clio avec sa reprise Argus plus 3 000€. Un vrai chef-d'œuvre. Portes ouvertes du 15 au 19 juin. French Touch touche française. Offre valable du 1er au 30 juin sur toute la gamme Clio. Voir Renault.fr. Chérie, pose ton café. Pourquoi ? Tu vois l'inimitable iPhone 7 avec ses sublimes photos et vidéos qu'on veut absolument partager. Oui. J'ai une double bonne nouvelle. En ce moment, Bouygues Télécom double les gigas de ton forfait. Ça veut dire deux fois plus de partage, donc deux fois plus de plaisir ? Oui, et en plus, Bouygues Télécom te le rembourse jusqu'à 220€. Génial ! Oh, oups ! Je t'avais prévenu, hein. Offre valable sur l'iPhone 7 32Go avec souscription à un forfait sensation 20Go et plus. Rendez-vous en boutique. Offre soumise à condition, conservant votre numéro et reprise de votre ancien mobile. Engagement 24 mois. Je ne sais pas. pas chez vous, mais chez nous, nos enfants se lassent vite de ce qu'ils ont. Si vous saviez combien de jeux vidéo et de paires de baskets j'entrepose à la cave, heureusement, pour leur mobile, on a trouvé la solution. Chez SFR, louez votre smartphone et changez-le tous les ans pour le dernier modèle. En ce moment, le Samsung Galaxy S8 et son incroyable écran Infinity est à seulement 26€ par mois pendant 24 mois avec un forfait Power 20Go engagement 12 mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre de location soumise à condition, valable jusqu'au 30 juin. Pour changer de mobile, réengagement de 24 mois sur la location et de 12 mois sur le forfait. Cristal, la première hit radio en Normandie. Un jour je suis prédateur, un jour je suis la proie. Un jour j'ai chaud au cœur, un jour j'ai tellement froid. Parfois je ne vois plus clair, le miroir me déforme. Je me lève sans lumière et mes rêves s'endorment. Cristal. Inforadar. Vous nous informez en temps réel de ce qui se passe sur les routes normandes. Et c'est Nelly qui nous a signalé un radar embarqué au rond-point du Leclerc de Cap-Caire. Et attention, il flash dans tous les sens et la vitesse est limitée à 50 km/h. 02 32 23 53 96 pour vous aussi nous informer en temps réel de tout ce que vous pouvez voir sur les routes normandes. The Cranberries à suivre en souvenir, juste derrière Ian Cooper et Rusty. Vacantly stood displaced eyes looking down. Les souvenirs sur Crystal avec The Cranberries, c'était Just My Imagination. Crystal, la première hit radio en Normandie. Avant d'écouter Alok et le nouveau Arcadian qui s'appelle Ton Combat, direction les cadeaux et notamment les festivals avec Crystal Aurélie. Et oui, le Green Horse Festival, on vous offre votre passe 3 jours avec la personne de votre choix pour aller voir par exemple Matt Mata, Boulevard Désert, Imani, Julian Peretta, Claudio Capeo, Black M et j'en passe. Il y a une très très belle affiche cette année. Nous avons Christophe de Duclair avec nous. Bonsoir Christophe, enfin bonjour. Salut Cricri. Bonjour l'équipe. L'équipe du 16-20 te salue. Bonjour à toi mon Cricri, mon Christophe. Tu es cuisinier toi et tu exactement, as un... sur Jumièges, l'heure d'été à Jumièges. Sur Jumièges, à l'heure d'été. Vas-y, fais ta petite pub, tranquille. Et donc le reste de l'année, vous vous appelez comment, l'heure d'hiver? Non, pas du tout. Ah, vous ne changez pas le nom du resto en fonction du fuseau? C'est pas par rapport à l'été, c'est parce qu'on a une grande gamme de thé, donc c'est l'heure des thés. Ah oh, festival de jeux de mots. Voilà. Normalement, c'est les coiffeurs qui font des noms. Vas-y, de magasins un peu... Fais de la pub, donne l'adresse. C'est à Jumièges, juste derrière la poste, une grande terrasse en bois, très ombragée, nickel, cuisine maison, frites maison, la totale. Et les frites maison, vous faites combien de bains pour faire des bonnes frites maison avec une pomme de terre? Ça dépend de la pomme de terre, on va dire. Non, mais question trop bizarre. J'ai jamais réussi, Christophe, à faire moi à la maison des bonnes frites maison pour mes enfants. Et même quand je prends des recettes, à chaque fois je foire. Ah bah il faut les blanchir au préalable, il y a 2 bains, voire 3 bains. Ah oui, quand même. Des cuisses à l'eau avant, qui les égouttent, qui les feront reposer. Après, premier bain de friture à 160 degrés. Et le dernier à 180. Je note, je vais essayer ce week-end. Vous êtes sur Radio Cuisine, il y a Maïté qui va venir dans quelques minutes d'ailleurs. Ah oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Alors toi Christophe, tu nous as envoyé un petit SMS pour gagner tes passes pour le Green Horse Festival qui a lieu le 7, 8 et 9 juillet prochain. Eh bien, écoute, c'est gagné, bravo. Merci à vous. T'as été sélectionné, c'est mais tout non. Remporté. Sur la page, avec y aura Gérald de Palmas, Riza, Claudio Capeo, Vianney, Calypso Rose, il y a plein de monde. Et tu pourrais les inviter dans ton établissement du coup. Ouais, c'est ma fille qui est contente là. Ah, c'est bien. Tu vas y aller avec elle? Non, je vais offrir sa maman et à elle. Ah, c'est bien. Gentil, il est au top, il est au top Christophe. Voilà. Et ben merci d'avoir joué avec nous Christophe et je te fais des bisous du côté de Duclair. Merci à vous, à toute l'équipe et bon courage à vous. Merci, à bientôt mon Christophe. Et je vais essayer les frites dès ce week-end pour essayer de faire enfin des frites maison qui sont toujours quand même, il faut le dire, meilleures que les frites surgelées. Je ne cite pas de nom parce que sinon je vais me faire engueuler. Arcadian arrive avec Ton Combat dans un instant. Et voici Alok et Aminao sur Crystal. Don't show your shoulders when you get older. tes bras baissés plus longtemps. Allez, je lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Quand le bonheur s'efface, quand l'amour se casse, quand la vie ne te sourit plus. Les passants que tu vois sont vivants pendant que toi, tu leur cries que tu n'en peux plus. Plus rien ne compense ton éternelle absence quand tu ne vois plus que des murs. Plus de soleil, d'orage, de fou rire ni de rage quand tu ne vois plus le futur. Il suffirait qu'une main touche la tienne, que ton regard vers demain le comprenne. Avant de retrouver Stéphane Nicolas pour les infos à 17h, je vous ai calé un petit JP Cooper avec September Song Crystal. Et maintenant, on prend la direction de Cherbourg avec Evan. On va parler un petit peu de sport, et notamment si vous êtes fan de basket. Hein, c'est un sport toujours intéressant parce qu'il y a toujours une très très bonne ambiance avec les supporters. Aurélie, un petit peu intéressée par le basket, un peu beaucoup J'aime beaucoup le fait qu'ils soient très grands, les joueurs. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le basket. C'est pourquoi Pour quelle raison? Alors, il y a un côté, comme tu dis, avec les supporters qui sont plutôt sympas par rapport au foot, par exemple. Mais j'aime le jeu, moi aussi. J'ai toujours aimé jouer au basket. C'est vrai qu'il y a super le principe, en fait. Il y a toujours du suspense dans le basket, parce qu'avec le chrono jusqu'à la dernière minute, il peut toujours se passer des rebondissements très intéressants. Eh bien, il y a une nouvelle recrue du côté de l'AS Cherbourg, et c'est un Américain. Alors, ils sont en train un petit peu de reconstruire tout le club. Hein. Il y a du travail qui se fait un petit peu en sous-marin. Il y a des gens qui sont partis, il y en a d'autres qui vont arriver. Et donc, il y a la confirmation d'un Américain qui arrive à Cherbourg, qui va s'installer là-bas. Il s'appelle Ryan Weber. Et alors, l'entraîneur dit que c'est un excellent shooter. Il vient de l'Indiana. Alors, je vous donne juste les mensurations. Ça, c'est pour les filles. Ah, moi, ça m'intéresse. Un beau bébé, puisqu'il mesure 1m98 et il pèse 103 kilos. C'est tout. Voilà. Je pense qu'il va être un petit peu habitué au cheeseburger. Il faudra désormais qu'il s'habitue un peu plus à la nourriture normande. Mais on est ravis, en tout cas, de l'accueillir du côté de Cherbourg. Une infotrafic à signaler. Contactez Cristal au 02 32 23 53 96. Sephora. C'est la fête des pères chez Sephora. Découvrez notre sélection de parfums et coffrets pour hommes. Parce que les papas aussi méritent d'être gâtés. Et jusqu'au 18 juin, pour chaque flacon vide rapporté, Sephora vous offre 25% de remise sur leurs parfums préférés. Profitez-en vite. Voir conditions en magasin. Sephora. Au cœur de la beauté. Leclerc. Philippe, ça sent bon la pizza. C'est la fête du surgelé chez Leclerc. Du coup, pour ce soir, on se fait une bonne pizza fiesta surgelée Regina en promo. Ça va être bon ça. Ah oui, tout comme la carbonara ou tiens, la poulet bacon oignon. Du 13 au 24 juin chez Leclerc, la pizza fiesta surgelée de 500 grammes avec 40% de réduction immédiate est à 2,03€, soit 4,06€ le kilo. Voir modalité dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. Et vive la pizza fiesta en promo chez Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Intersport. Vous allez adorer la fête des pères chez Intersport. Dès le 7 juin, le polo homme Oxbow Palmar est à 24,99€ au lieu de 49,99€, soit 50% de réduction. Dépêchez-vous. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles, conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Hé, hey, la dinde, c'est le mois des toques et du frais chez Netto. À nous la gloire! Ça y est, Canard a perdu la tête! Mais non, regarde-moi, filet de canard aux herbes ou tomates poivrons, je suis à 8,89€ le kilo. Aujourd'hui et demain! Oh, c'est dinde! Netto, le discounter qui fait la différence. Parquet de 350 grammes environ, origine France. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Vous savez jusqu'où ça conduit de réunir la longévité des pneus Michelin et l'expertise de Feu Vert ? Non ? Vous donnez votre langue au chat ? Eh bien, à plus de kilomètres ensemble, en toute sécurité. Alors, en juin, quel que soit votre véhicule, 4x4 et utilitaire compris, bien entendu, chez Feu Vert, profitez de 100 000 pneus Michelin disponibles immédiatement et jusqu'à 80€ offerts. Oui, offerts. Appelons un chat un chat. Il n'y a que Feu Vert qui fait ça. Offre valable jusqu'au 30 juin, voire modalité sur feuvert.fr. Et si on parlait Renault Occasion ? Chérie, montre à Martin nos photos de vacances. Alors ça, c'est notre Clio d'occasion, devant la plage de Biarritz. Et là, notre Clio d'occasion dans un village typique plus au sud. Ça a l'air beau ce village, enfin, derrière votre Clio. Et là, c'était la soirée tapas derrière notre Clio d'occasion. Ah oui, on peut pas la rater là. Vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2016, conditions sur Renault.fr. En ce moment, avec les affaires Bricoman, optimisez votre chantier. La plaque de plâtre BA13 NF 4 en 1 acoustique, très haute dureté, résistance au feu et à l'humidité de marque Isolava, est à 6,40€ le mètre carré. Oui, seulement 6,40€ le mètre carré. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Offre valable du vendredi 16 juin au 1er juillet, plaque de 250 par 120 cm, plus d'infos sur bricoman.fr. Chérie, pose ton café. Pourquoi ? Tu vois l'inimitable iPhone 7 avec ses sublimes photos et vidéos qu'on veut absolument partager. Oui. J'ai une double bonne nouvelle. En ce moment, Bouygues Télécom double les gigas de ton forfait. Ça veut dire deux fois plus de partage, donc deux fois plus de plaisir ? Oui, et en plus, Bouygues Télécom te le rembourse jusqu'à 220€. Génial ! Oh, oups ! Je t'avais prévenu, hein. Offre valable sur l'iPhone 7 32Go avec souscription à un forfait sensation 20Go et plus. Rendez-vous en boutique. Offre soumise à condition, conservant votre numéro et reprise de votre ancien mobile. Engagement 24 mois. Tiens, encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Je suis folle de joie, ma nièce vient d'avoir des jumeaux. Ça tombe bien Michel, jusqu'au 18 juin chez Carrefour Market, pour l'achat d'un paquet Pampers Baby Dry, il y a 50% d'économie sur la carte de fidélité. Et c'est aussi valable sur une sélection de produits de marque. Oh, vous serez toujours mon chouchou. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Et aujourd'hui, mercredi, c'est moins 10% sur tout le rayon bébé, crédité sur votre carte de fidélité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur carrefourmarket.fr. 80 couches taille 4, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Stahl, la première hit radio en Normandie. Un peu saoul, je déambule sur les lignes du métro. Crépuscule sans héros, solitude dans le rétro. J'éteins mon mégot sur le cœur des Jedi. Les yeux vitreux, je les mitraille. Un peu saoul, sans matricule. Sans savoir, je t'oublie quand je me déhanche. Je souris sauf le dimanche. J'ai le cœur balançoire. Je passe des rêves au cauchemar. Mes espoirs se brisent. Adolescent pirate sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade. Je voyage, voyage, voyage, voyage. Je voyage, voyage, voyage, je voyage. Je n'écoute plus, c'est les Soft as the cots and you lying. Times we got hot like an iron. You and I, our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning. In the strangest of places, down on the underground station, passing by. I get a mad sense of danger, feel like my heart couldn't take it. Cause if we met, we'd be strangers, you and I. Thank you. après les infos, Katy Perry et Charlie Pousse pour tous vos hits préférés. Et il va y avoir un clash un petit peu spécial entre nous, les animateurs, et la rédaction. 17h. Toute l'actu en ce mercredi 14 juin, c'est avec François Poulet. Bonsoir François. Bonsoir Aurélie, bonsoir Evan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, les strass et le glamour débarquent sur la côte calvadosienne. C'est parti pour le festival du film romantique. Et puis, nouveau problème pour les usagers de la SNCF sur la ligne Paris-Rouen ce mercredi. Et en fin de journal, on fera un tour du côté de la météo pour voir que le soleil est encore présent en Normandie. Les strass et le glamour débarquent sur la côte calvadosienne. C'est parti pour le festival du film romantique. Dès ce mercredi et jusqu'à dimanche, 31e édition, les films vont s'affronter, jugés par un jury de prestige, avec Marion Cotillard comme présidente. Comme tout événement public, certains s'interrogent sur la question de la sécurité. Quel risque après les derniers événements? Pas question d'annuler pour le maire de Cabourg, Tristan Duval, on l'écoute. Beaucoup plus d'agents de sécurité, une présence policière renforcée, des fouilles systématiques pour l'entrée dans les salles de cinéma, des vérifications à la sortie de la salle. Donc effectivement, ça nous oblige, de toute façon, les temps qui courent nous obligent à changer de paradigme et c'est ce que nous faisons. Et à noter que toute l'équipe de la matinale de Cristal sera en direct demain matin du Grand Hôtel de Cabourg pour vous faire vivre ce festival du film romantique. Nouveau problème pour les usagers de la SNCF en raison de la présence d'un train de marchandises en panne sur la voie entre Bonnières et Rosny dans les Yvelines. Le trafic a été fortement perturbé sur la ligne Paris-Rouen jusqu'à 9h ce mercredi matin. Et puis, deux voitures sont entrées en collision sur la route départementale 833 peu après 8h ce mercredi à Ménil-sur-Iton, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Évreux. À l'intérieur, les deux conducteurs ont été blessés, le premier âgé d'une trentaine d'années légèrement et le second un homme d'une soixantaine d'années plus grièvement. Il a été transporté au centre hospitalier d'Évreux. 7 ans de prison, le verdict de la cour d'assises du Calvados à Caen est tombé ce mardi. Un homme de 33 ans a été condamné pour un viol commis en 2015 sur une jeune femme, aujourd'hui âgée de 27 ans. L'accusé a aussi écopé de 5 ans de suivi socio-judiciaire assorti d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime. Dans le reste de l'actualité, un couple de septuagénaires et une belle-sœur du père du petit Grégory ont été interpellés ce mercredi matin dans l'affaire de la mort de Grégory Villemain, l'une des grandes énigmes judiciaires de ces dernières décennies. À noter que la grand-mère de Grégory, dont l'état de santé n'est pas compatible avec le régime de la garde à vue, est également entendue sous le statut de témoin. Et puis à l'étranger, au moins 6 personnes sont mortes et 74 blessées dans l'incendie d'un immeuble à Londres dans la nuit de ce mardi à mercredi, selon un bilan encore provisoire. En effet, de nombreuses personnes sont encore disparues. Allez, on termine avec un mot de la météo et pas de changement dans notre ciel normand puisque le soleil est encore présent ce mercredi soir et le sera aussi demain matin, avec toutefois l'apparition de quelques nuages côté Mercure, comptés entre 19 et 21 degrés. Très belle fin de journée sur Cristal. Merci François, à tout à l'heure, 18h pour les prochaines infos. Le clash, à vous de voter pour départager Evan et Aurélie. Et aujourd'hui, c'est pas Evan et Aurélie que vous allez départager, c'est Evan et Aurélie qui sont ensemble pour une fois. Oui, on est en couple aujourd'hui et on va être face à Elodie Alcouf, l'une de nos journalistes de la rédac qui a la chance d'être en Martinique pour un petit voyage de presse où elle fait plein de reportages. Bonjour Elodie. Bonjour à tous. Salut Elodie, alors il est quelle heure là en Guadeloupe? Martinique, c'est ça, Martinique. En Martinique, voilà, j'étais en Guadeloupe pendant 4 jours et là ça y est, je viens de passer par la Martinique et il est 11h du matin. Quelle vie difficile quand même tu as, hein. Ça doit être compliqué, ouais, cette vie de journaliste en train de voyager de par le monde à représenter la Normandie un peu partout, ça c'est bien. Elodie, tu vas donc participer au clash, exceptionnellement clash spécial, on va dire, musique un petit peu des îles. Quel est le choix? Quel est ton choix? Eh ben, moi, écoutez, avant de partir pour les Antilles françaises, j'ai eu dans la tête cette musique de Zouk Machine et le titre Maldon. Extrait. Pourquoi ce choix, Elodie, dans le clash aujourd'hui? Ah, oh bah écoute, c'est un petit peu ma jeunesse. Ouais. Ça comme ça. Non, et puis en plus, ici, en fait, on entend du zouk tout le temps, les rues, dans les voitures quand on allume le poste. Voilà, il y a du zouk tout le temps sur les radios. Voilà, donc du coup, je me suis dit, tiens, on va prendre Zouk Machine avec Maldon. Et il n'y a pas une radio Cristal Normandie en zouk, ça serait génial. Non, mais j'ai décidé de l'ouvrir parce que je vais peut-être rester en fait. Radio Cristal Martinique, il est quoi? Il est 11h, allez, c'est l'heure de la sieste. On y va. Et c'est l'heure du rhum aussi, à consommer avec moi. Oh là oui. Nous, on a choisi un titre des îles aussi, un peu dans la même période, les années 80. Aurélie, on a choisi Kaouma avec la lambada. On va chacun argumenter. Alors, moi, mon choix sur ce titre, c'est la danse que j'ai jamais réussi à faire. Une danse particulière y a une de la danse lambada. Sur la lambada. Oui, en fait, ça se danse en couple, généralement. Et en fait, on doit mélanger les deux jambes et tourner en même temps. C'est hyper dur. Zouk. Bah non, du zouk, c'est plutôt on se tient par le bassin. Sans mettre la jambe. Là, c'est une jambe assez naturelle. Donc, moi, c'est pour la danse. Bon, c'est pour. De toute façon, elle va contre. Et on est, pour une fois, on est ensemble. Essaye de pas d'être contre moi. Bah, en fait, moi, j'ai choisi ce titre parce que c'est Evan qui me l'a proposé. Et que j'avais pas d'idée. Et j'avais pas forcément d'idée parce que c'est pas défendre mon titre, mais j'adore Zouk Machine aussi. Donc, c'est un peu compliqué de trouver un titre des îles qui nous fait tout ce qu'il fait, quoi. Donc, finalement, tu te rangeras du côté de Elodie. Voilà. Mais je me range de ton côté puisque Elodie, là, elle est en vacances pépère tranquille aux Antilles et nous. Oui, alors, je suis en vacances, je travaille quand même. Oh là là. Oui, mais t'as un cadre de rêve. Une lunette de soleil, oui, bien sûr, c'est un cadre de rêve. Moi, je vous propose un truc, c'est que si jamais vous gagnez, vous êtes obligé de me faire une petite vidéo où vous dansez tous les deux la lambada. Très bien, je vais avoir des ennuis avec ma femme, moi. Ouais, voilà. Je dois vraiment coincer ma jambe entre celle d'Evan. Je sais pas si j'en ai envie. Du coup, j'ai pas envie de gagner. Elodie, on va faire jouer maintenant les auditeurs, enfin plutôt les faire voter. Ça se passe sur le Facebook de Radio Cristal. Allez, vous allez sur le Facebook de Radio Cristal et puis vous votez sur la publication Le Clash, la musique que vous avez envie d'entendre là tout de suite. Et on se retrouve dans moins de 10 minutes pour les résultats. When I Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Pour départager Evan et Aurélie. Et aussi Elodie qui est partie en Martinique et qui a choisi aujourd'hui son titre. Elle est avec nous par téléphone alors qu'il est un tout petit peu plus de 11h du matin là-bas. Rappelle-nous le choix de ton clash aujourd'hui, Elodie Alcouf de la Relac. Eh bien, puisque je suis dans les Antilles françaises, que je suis passée il y a quelques jours par la Guadeloupe, moi j'ai choisi Zouk Machine avec Maldon. Et nous on a choisi avec Aurélie la lambada, c'est Kauma. On va donc lire maintenant quelques-uns de vos votes, messages laissés sur le Facebook de Radio Cristal, Aurélie. Et on a par exemple Romano de Vernon qui vote pour Madone, sans hésiter, souvenir d'enfance où je chantais yaourt en mélangeant français et créole. Qui ne l'a pas fait sur cette musique, franchement. On a aussi Séverine qui vote pour Zouk Machine, j'adore cette chanson, ça donne le peps. On a Karine qui, elle, vote pour Madone, même si les deux sont au top pour nous faire voyager avec Elodie. Ou encore Anne-Sophie, Zouk Machine, j'adore trop cette musique, surtout l'été, ça donne la pêche. Résultat des votes ce soir entre les animateurs, nous et la rédac représentée par Elodie Alcouf. On s'est pris une grosse claque, Evan, ouais. Puisque ce soir, à 80% des votes, c'est Elodie qui le remporte. Et c'est gagné, ma doudou, bravo! Merci, je suis très heureuse. Tu es plébiscité, hein, Zouk Machine avec Maldon. Donc du coup, tu seras condamné à nous ramener ici en Normandie des produits de la Martinique, hein, puisque tu as gagné. Eh bien, écoutez, je vais vous ramener du rhum, à consommer avec modération. Et si on ne trouve pas modération, on boira avec prudence. Voilà, exactement. Voilà. C'est qui, prudence? C'est une phrase que j'ai appris hier. Voilà, j'ai beaucoup aimé, donc je vous la ressens. Allez, merci. Allez, classe. Élodie, on va te permettre de devenir animatrice en lançant le groupe gagnant du jour. Vas-y. Eh bien, écoutez, je vous propose d'écouter Zouk Machine avec ce beau soleil et Maldon. Oh, la musique dans le monde. Grande gagnante, elles étaient plusieurs du Clash aujourd'hui. Le choix d'Élodie Alcouf de la rédac qui est en Martinique actuellement et qui couvre tout un reportage à suivre pour Cristal. Alors dans un instant, qu'est-ce qui va se passer? On va vous envoyer dans les oreilles Offenbach, on va vous envoyer également Julien Doré avec Coco Caline. Et Aurélie va vous dire ce que vous allez pouvoir remporter maintenant. Et surtout, on va vous envoyer au parc Astérix avec les trois personnes de votre choix. Donc, direction ce parc avec plein de sensations fortes. Rendez-vous. Il y aura aussi plein d'activités pour vos enfants ou pour vos amis. Et pour ça, il faut vous inscrire pour gagner ces passes. On va jouer comme d'habitude par SMS. Vous aurez 10 minutes pour vous inscrire au moment où je vous donne le top départ. Vous prenez votre temps si par exemple vous êtes en voiture, vous vous garez sur le côté sans aucun problème pendant que vous entendez derrière moi la musique d'Osiris. C'est une attraction forcément à essayer si vous avez la taille requise, hein, parce qu'effectivement il y a des tailles requises pour pouvoir faire certaines attractions. En fait, c'est un grand 8 avec les pieds dans le vide. Voilà, c'est comme si on était dans un grand 8, mais pas assis dans une nacelle, mais sous la nacelle. En gros, c'est pour schématiser, je l'ai fait, c'est juste extraordinaire. La première descente est magnifique. Donc pour jouer avec nous, vous envoyez un SMS Cristal au 7 11 12. Commencez bien votre message par Cristal. Vous envoyez votre prénom, votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Vous aimez la bonne musique et les concerts en plein air? Alors un conseil, soyez à l'écoute de Cristal cette semaine. On vous offre vos passes pour le Green Horse Festival sur l'hippodrome de Moconchi à 30 minutes de Rouen. Sur scène, du 7 au 9 juillet, Imani, De Palmas. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Matmata, Vianney, Black M. et plein d'autres. Gagnez vos passes dès demain sur Cristal. Intermarché vous propose d'écouter son grand jeu mille bornes. Hé, tu l'as eu dans une pochette surprise, ton permis ? Non. En revanche, j'ai gagné ma voiture aux mille bornes. Ouais. Rendez-vous dans votre Intermarché pour jouer au grand jeu mille bornes et tenter de gagner une voiture et de nombreux cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 16 juillet. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Toyota. Hashtag voiture qui claque. Hashtag nouvelle Yaris. Hashtag made in France. Hashtag stylé. Hashtag hybride. Hashtag oui, et pas besoin d'abrancher. Hashtag je laisserai bien. Hashtag va plutôt chez Toyota. Pendant les journées hybrides pour tous, la Toyota Yaris France hybride est à partir de 169 euros par mois, entretien inclus. Découvrez toute la gamme hybride pendant les portes ouvertes de ce week-end. Toyota. Offre aux particuliers jusqu'au 30 juin en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 2200 euros. Sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voir toyota.fr. La France est à l'honneur chez Grand Frais. Venez découvrir les meilleurs produits de nos régions. Jusqu'au 17 juin, le chorizo à griller est à 9,99 euros le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. En barquette d'environ 2 kilos, boyau naturel fabriqué à partir de viande d'origine France, élaboré en France. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil très utile qui servait jadis à la chasse, le boomerang. Le principe du boomerang est de décrire une trajectoire courbe qui revient vers le lanceur. Pascal, démonstration. Yeah. Comme vous voyez, grâce à sa forme originale et à l'impulsion initiale... Attention, Philippe ! Philippe ? Vous ne pouvez pas toujours compter sur vos réflexes. Heureusement pour vous, le Front Assist de série sur la nouvelle Golf Sand freine automatiquement en cas d'urgence. À découvrir pendant les jours Volkswagen Innovation du 1er au 30 juin. Portes ouvertes ce week-end. Ici, faire installer la fibre 100% fibre changeait tout à la maison. Depuis qu'il a fait installer la fibre Orange, je trouve mon père beaucoup plus drôle. Moi, depuis qu'il nous a apporté la fibre Orange, j'adore quand mon père me montre ses photos de moto. Et moi, avec la fibre Orange, mes enfants me trouvent encore plus cool. Avec Livebox Zen Fibre, devenir le héros de la famille ne coûte que 19,99€ au lieu de 38,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Livebox en location plus 3€ par mois. Prix avec remise de 14€ par mois et remboursement de 5€ par mois en changeant d'opérateur. Valable jusqu'au 5 juillet 2017 en métropole sous réserve d'éligibilité. Conditions sur orange.fr. Fan de foot ? La saison pro continue chez Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Au programme pour vous les pros, des offres de financement exceptionnelles. Et toujours 5 ans de garantie constructeur sur toute la gamme Nissan utilitaire. Fourgon, pick-up, châssis. Pour découvrir l'une des plus larges gammes utilitaires du marché, rendez-vous chez votre concessionnaire Nissan. Portes ouvertes du 16 au 18 juin. Garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf INV 200. Ouverture le 18 juin selon réglementation. Modalité sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Un impact ? Agissez avant qu'il ne fissure. Prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. Et comme chez Carglass, on tient à ce que vous rouliez en toute tranquillité, pour toute intervention vitrage, on vous offre un an d'abonnement à la nouvelle application Coyote. Trafic, danger, limitation de vitesse, vous êtes alerté en temps réel. Alors, profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 1er juillet, conditions sur carglass.fr. Hé, hey, la dinde, c'est le mois des toques et du frais chez les taux. À nous la gloire. Ça y est, canard a perdu la tête. Mais non, regarde-moi, filet de canard aux herbes ou tomate poivron, je suis à 8,89€ le kilo. Aujourd'hui et demain. Oh, c'est dinde. Netto, le discounter qui fait la différence. Parquet de 350 grammes environ, origine France. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Non mais maman, c'est une blague. Comprends-moi ma chérie, ce sont les offres immédiates Opel en ce moment. Avec des offres exceptionnelles chez les concessionnaires. Mais c'est quand même mon mariage, c'est pas tous les jours. Mais les offres immédiates Opel non plus ne sont pas tous les jours. Quelle idée de se marier le jour où je peux bénéficier d'une reprise Argus plus 4 300€ pour l'achat d'une Opel Corsa. Tu veux faire de la peine à ta pauvre mère, c'est ça? Pendant les offres immédiates Opel, bénéficiez d'une reprise Argus plus 4 300€ pour l'achat d'une Opel Corsa. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 juin selon autorisation. Cristal, la première hit radio en Normandie. Diamond glorified. Oh, d'écouter Jane et Enrique Iglesias sur Christelle. Aurélie a une info trafic à vous donner. C'est Christelle qui nous a appelé pour nous signaler un véhicule en panne à la sortie du tunnel de la Grand Mare dans le sens Rouen-Neuchâtel. Attention, vous passez de 3 voies à 2 voies. Merci beaucoup Christelle en tout cas pour cette info. Si vous aussi, comme Christelle, voulez communiquer des infos routières sur la Normandie, 02 32 23 53 96. Christelle. Je décale Katam. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à ce jeu du Décalicatam, Décalicatam. Oh oui. On va jouer avec Jonathan. Bonjour Jonathan. Jonathan, une fois. Oh non, dites-moi pas que ça marche pas le alors standard. Je vais regarder. M'énerver. Jonathan, si, tu m'entends. T'es là, t'es coincé. Jonathan. Si, il est là. Jonathan, mais pourquoi il m'entend pas? Jonathan. Bon, il y a un problème. Alors, voilà, Jonathan, tu peux vérifier, Doudou, parce qu'on n'a pas Jonathan. On devait l'avoir au téléphone. Il est à Saint-Cyr. Jonathan, je vais le rappeler, je le rappelle. Bon, bah écoute, ce qu'on va faire, on va pas vous faire patienter, hein. On envoie Jane avec Makeba et on revient dans quelques instants. Le temps de récupérer Jonathan qui a sans doute eu un petit problème de captation de téléphone portable. Jonathan, si tu nous entends, rassure-toi, on va te rappeler dans quelques instants. Oh non, c'est trop tard, j'ai envoyé Jane maintenant. Merci d'être avec nous sur Cristal, le 16-20 qui continue avec vous toutes, vous tous. À tout moment, vous pouvez faire paf. On va quoi? J'arrive plus à parler, moi, tellement ça m'a flingué ce moment. Jonathan, t'es là? Oui, je suis là. Bon, bah du coup, on va passer Jane après. On est en train de faire totalement une impro dans cette émission, mais c'est comme ça que j'aime la radio. Bon, Jonathan, c'est le direct. Tu habites à quel endroit? J'habite à Saint-Cyr-du-Montfray. C'est marrant parce qu'on a toujours l'impression que c'est très noble. Bonjour, Saint-Cyr. Jonathan de Saint-Cyr. Jonathan, tu fais quoi dans la vie? Je travaille à la SNCF, au service électrique. On les embrasse là-bas, toujours les doigts dans la prise, c'est ça? Ouais, c'est grâce à lui que les trains évitent d'être en retard. Ou pas. Non. Jonathan, on va jouer au jeu du Décalicatam. Et Aurélie va se faire un grand plaisir de t'expliquer les règles du jeu qui sont très simples, mais le jeu en soi est pas évident. Je vais poser une question en premier. Enfin, Evan va poser une question. Tu ne vas pas y répondre. Si la deuxième question, tu devras répondre à la première question. T'as compris? Ainsi de suite. T'as compris ou pas, Jonathan? Bah vas-y, toi, explique. Et ben c'est ça. On ne répond pas à la première question et la deuxième question, on répond à la question de la première. Oui, bah c'est ce que je viens de dire. Ouais, moi je l'ai mieux dit. Attention, Jonathan, concentration, vous jouez vous aussi. Les questions sont rédigées par notre directeur Samuel. Je vous le dis tout de suite parce que vous comprendrez l'état d'esprit de notre directeur après quand il écrit ça. Je ne sais pas ce qui se passe. On y va. Jonathan, quel est ton film romantique préféré? Là, tu ne réponds pas. Et à partir de maintenant, tu réponds. Quel film d'horreur te fait le plus peur? Forrest Gump. Quelle image te vient à l'esprit lorsque tu penses à ta belle-mère? Mirror. Quelle image te vient à l'esprit lorsque tu penses à ta belle-mère? T'as dit Mirror. Conjugue la phrase suivante au présent. J'avais envie de l'insulter. J'en ai pas. Elle est sympa, ta belle-mère? C'est la troisième question, ça ou pas? Non, c'est la quatrième. Excuse-moi. J'ai envie... T'es pas loin, vas-y. J'ai envie de... Je sais plus ce que c'est. Allez! J'ai envie de... Oh non! Fini! Oh non, non, non, non, non, non, non! Non! Ah mon Dieu, on c'est vrai était qu'il pas est loin. Dur ce jeu aussi, hein. On a été vache. Conjugue la phrase suivante au présent. J'avais envie de l'insulter, ça donne j'ai envie de l'insulter pour répondre à la question. Elle est sympa ta belle-mère. J'ai envie de l'insulter. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus malheureusement? Bah, on est perdu. Bah oui, Jonathan, faudra rejouer une prochaine fois. Ah, tu peux rejouer quand tu veux, bien sûr. Je suis tout triste, tu sais, Jonathan. Ah, hein, j'ai perdu. Ça va me gâcher, mais tout l'après-midi. Ça, c'est... Aurélie peut te le dire. À la Il y a maison, un truc qu'on déteste. À la maison, c'est... j'ai des tableaux. Oh je mets des prénoms d'auditeurs qui ont perdu. Et dessus, en fait, je fais des prières devant en me disant je leur souhaite tout le bonheur du monde parce qu'ils ont perdu aujourd'hui dans l'émission. Donc, bah, t'as qu'à leur envoyer un chèque. Jonathan, tu seras juste au-dessus de mon lit dans un tableau 4x3. D'accord. Bah, allez, Jonathan, tu peux rejouer quand tu veux sur l'antenne de Cristal. N'hésite pas, d'accord? Oui, un peu de suivi. Et on va t'envoyer un mug Cristal Collector qui va arriver directement dans ta cuisine pour prendre un petit café. Je t'embrasse. Bisous, mon Jonathan. Bisous. À bientôt. Ooh, yeah.

Dans le 16-20, nous allons vous apprendre quelque chose avec Aurélie. On va s'amuser à être un peu Google traduction. Que veut dire « Subeme la radio » d'Enrique Iglesias ? Ça veut dire « monter le son de la radio ». Voilà, comme ça vous aurez appris un truc aujourd'hui, ça s'appelle « monter le son de la radio »,« Subeme la radio ». À suivre sur Cristal, il y aura toute l'infotrafic avec Aurélie. L'infotrafic, vous pouvez également la faire parvenir, nous la faire parvenir par téléphone, 02 32 23 53 96. Et puis un petit message, Aurélie, qui vient d'arriver. Là, c'est par SMS au 7 11 12. Il y a Caroline qui nous fait un gros bisou, qui nous dit qu'elle nous écoute tous les jours au travail et qui passe un coucou à son meilleur ami Sébastien. On a aussi Viviane de Mantes-la-Jolie. Merci de m'accompagner tous les soirs sur la route entre la Normandie et le 78. Et si vous aussi vous avez envie de passer votre message, vous nous l'envoyez avec Cristal au début du SMS au 7 11 12. La suite de Voït, ce sera Sia et Odyssée. L'une des nouveautés de l'été qu'on adore sur Cristal. Ça sent la plage, ça sent le bonheur. C'est la fête des pères chez Sephora. Découvrez notre sélection de parfums et coffrets pour hommes. Parce que les papas aussi méritent d'être gâtés. Et jusqu'au 18 juin, pour chaque flacon vide rapporté, Sephora vous offre 25% de remise sur leurs parfums préférés. Profitez-en vite. Voir conditions en magasin. Sephora, au cœur de la beauté. Lidl, enseigne alimentaire préférée des Français. Allô patron, va bene ? Ça va, oui. Ah bah, désolé, hein. Mais chez Lidl, tout va bien, patron. Hein. Parce qu'en ce moment, pour la semaine italienne, le Parmigiano Reggiano DOP est à 1,39€ les 100 grammes. Du Parmigiano Reggiano DOP à 1,39€. Oui, c'est le vrai prix, patron. Hein. Et 14 mois d'affinage hein, pour ce parmesan en copeaux ou râpé. Bah pour nous aussi, c'est râpé. Ah bah oui, je sais, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 13,90€ le kilo, produit transformé en Union Européenne, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bon, Oscar, papa va être très occupé aujourd'hui. Mais alors, on va plus à Bubble World ? Non. Mais t'avais promis. Oh, c'est pas beau de mentir, Oscar. J'ai dit qu'on ira à Bubble World à moins qu'il y ait les offres immédiates Opel. Et paf, ce sont les offres immédiates Opel. Reprise Argus plus 5 000€ pour l'achat d'une Opel Astra, alors. Mais c'est pas juste. Ah non, pas de caprice, égoïste. Eh oui, en ce moment, grâce aux offres immédiates Opel, bénéficiez d'une reprise Argus plus 5 000€ pour l'achat d'une Opel Astra. Conditions sur Opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 juin selon autorisation. Avant de déménager, avez-vous pensé à tout ? Le camion ? 40 cartons sur un scooter ? Eh ben, ça va en faire des allers-retours. Les copains ? Oh, répondeur. Ouais, allô Nico, je voulais être sûr que t'avais pas oublié notre déménagement. Il est quand même 20h. Et l'électricité ? T'as la lampe torche ? Ouais. T'as des piles ? Non. Sinon, souscrivez en 5 minutes seulement sur particulier.engie.fr. Avec Elec Weekend d'Engie, l'électricité est à moins 30% le week-end. Offre de marché, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Vous savez jusqu'où ça conduit de réunir la longévité des pneus Michelin et l'expertise de Feu Vert ? Non ? Vous donnez votre langue au chat ? Eh bien, à plus de kilomètres ensemble, en toute sécurité. Alors, en juin, quel que soit votre véhicule, 4x4 et utilitaire compris, bien entendu, chez Feu Vert, profitez de 100 000 pneus Michelin disponibles immédiatement et jusqu'à 80€ offerts. Oui, offerts. Appelons un chat un chat. Il n'y a que Feu Vert qui fait ça. Offre valable jusqu'au 30 juin, voire modalité sur feuvert.fr. Merci d'avoir fait tomber mon téléphone dans les toilettes la soirée mythique. Et merci d'avoir renversé mon cocktail sur Pierre. Sans ça, on se serait jamais rencontrés. Merci maladresse. Rencontrez-vous aux soirées mythiques en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique. La France est à l'honneur chez Grand Frais. Venez découvrir les meilleurs produits de nos régions. Jusqu'au 17 juin, les filets de maquereau sont à 8,90€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Pêchez en Atlantique Nord-Est, débarquez sur les criers de Cherbourg et de Boulogne-sur-Mer. Magasin participant sur grandfrais.com. Alors voilà le plan, tu rentres dans la banque et là tu dis... Donnez-moi la caisse. Ben non, tu dis juste donnez-moi 139€, ils sont sur ton compte et là tu t'offres la nouvelle Nissan Micra. Du 16 au 18 juin, pendant les portes ouvertes, la nouvelle citadine Nissan Micra fabriquée en France, avec des technologies d'aide à la conduite, est au prix exceptionnel de 139€ par mois, sans apport, sans condition. Découvrez vite son nouveau design chez votre concessionnaire. Pour nouvelle Nissan Micra Visia, 1 litre 71 chevaux, LLD 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Arthur est pompier. Quand son beeper sonne, des vies sont en jeu. Alors il doit partir au plus vite. Mais le risque, quand on va très vite, c'est d'oublier ses clés chez soi. C'est pourquoi GMF inclut l'assistance serrurerie 24h sur 24, 7 jours sur 7, dans votre assurance habitation Domopass. Et en ce moment chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance habitation entre le 1er et le 30 juin 2017. Conditions de l'offre en agence GMF ou sur gmf.fr. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Cristal, la première hit radio en Normandie. Trafic maintenant, c'est avec Aurélie. C'est calme ce soir, pas de gros embouteillages à annoncer, mais quelques ralentissements, notamment sur le boulevard industriel et la Sud 3 avant d'entrer dans Rouen. À Caen, petit ralentissement avant l'entrée du périphérique par la 13, mais ça redevient très vite fluide. Et ce soir, c'est sur la chaussée intérieure du périphérique nord que ça circule au ralenti entre Vallée des Jardins et Porte d'Angleterre. En ce qui concerne la 13, le trafic est fluide, profitez-en. Le numéro de téléphone pour nous joindre à tout moment, si vous avez la moindre info trafic concernant la Normandie, 02 32 23 53 96. Crystal. Écoutez, c'est un nouveau hit. Odyssée, fly. Crystal avec Odyssey, c'était Fly. Les concerts de The Voice vont passer par Rouen, également par Caen. Vous allez pouvoir y aller en famille. J'ai des places à vous offrir avec Aurélie dans quelques instants, 18h. Merci d'être avec nous. Et on fait un point sur l'actualité avec François Poulet. Bonsoir François. Bonsoir Aurélie, bonsoir Evan et bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, le baccalauréat, c'est demain et le stress monte du côté des élèves. On ira faire un tour du côté d'Évreux. Et puis comme sur l'ensemble du territoire français, les dentistes normands protestent avec un mouvement de grève entamé lundi. Enfin, du côté de la météo, le soleil sera encore présent demain avec l'apparition toutefois de quelques timides nuages. Le stress monte pour les élèves. Le baccalauréat, c'est dans moins de 24 heures. Demain matin à 8 heures, les élèves vont plancher sur la philo. Des élèves qui poussent les révisions jusqu'à la dernière minute, ou plutôt qui s'y prennent à la dernière minute. Réponse à la médiathèque d'Évreux avec notamment Caroline, Léa et Stéphane. On les écoute. J'ai travaillé un peu toute l'année, mais là, c'est juste, ça fait 3 jours que je dis, ça arrive. Donc, on prend conscience du bac qui arrive et puis on se met un peu à revoir tout ce qu'on a vu. Ça remonte dans la mémoire. Je le prépare depuis quelques mois, mais c'est maintenant que j'en ai conscience. c'est maintenant que ça devient dur. Donc je m'y mets un peu au dernier moment. Et ouais, c'est parce que j'ai du mal à me motiver, en fait. C'est dur de s'y mettre. Ces élèves de terminale scientifique et économique et sociale ont été rencontrés ce matin par Alexandre Sanson. Comme sur l'ensemble du territoire français, les dentistes de Normandie ont entamé depuis ce lundi un mouvement de grève d'une semaine pour protester contre l'entrée en vigueur de nouvelles règles tarifaires. Le mouvement doit durer une semaine. 50 à 70% des cabinets dentaires y participent, selon les syndicats. Et puis Hermès, une marque de luxe française qui fait rêver le monde entier. Et c'est en partie à Val-de-Reuil que ces produits d'exception sont confectionnés. Une nouvelle maroquinerie y a été inaugurée ce mardi. Sur ce site de 5700 m² en fonctionnement depuis janvier, sont fabriqués des objets de petite maroquinerie comme des portefeuilles et des porte-monnaies. Actuellement, le site compte 130 artisans maroquiniers. À terme, 250 artisans doivent exercer leur profession. Ce mardi, de la végétation a pris feu sur une surface de 2000 m² rue de la Mare-Asse à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, une commune située au sud de l'agglomération rouennaise. 13 pompiers de la Seine-Maritime et de l'Eure sont intervenus jusqu'à 20h pour mettre fin à l'embrasement. Fermée depuis l'été 2014 en raison de sa vétusté, la piscine Salomon, située sur les Hauts-de-Rouen, rue Georges Braque, était en proie ce mardi à un incendie. Les sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime sont intervenus. À leur arrivée, les 250 m² du bâtiment étaient complètement embrasés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Dans le reste de l'actualité, triste nouvelle, Hervé Guéquière s'en est allé. Ce grand reporter, ancien otage, s'est battu avec courage, force et humour. C'est avec ces quelques mots que Yannick Letranchant, directeur exécutif en charge de l'information de France Télévisions, a annoncé la mort du journaliste sur Twitter. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un mot de la météo avec Aurélie et Evan. Très belle soirée sur Cristal. Prévisions météo en Normandie. Prévisions météo en Normandie. Cristal, la météo. La météo pour demain jeudi, Aurélie. Les nuages reviendront sur la région. Le temps restera quand même très ensoleillé. Pour les températures, on attend 24 degrés à Vernon, 23 degrés à Barentin et 22 degrés à Cabourg, où Nico et toute l'équipe de C'est déjà l'heure sera en direct pour le festival du film romantique entre 7h et 9h30. Les concerts de The Voice vont passer par la Normandie, la tournée de The Voice qui s'arrêtera vendredi 30 juin au Zénith de Caen, le samedi 1er juillet au Zénith de Caën. Alors j'ai fait une erreur, je viens de m'en apercevoir dans ce que j'ai dit. Je crois que tu te répètes, non? Je me suis répété. Alors oubliez juste un instant, voilà, je redis les bonnes dates et les bons lieux. Vendredi 30 juin au Zénith de Rouen et samedi 1er juillet au Zénith de Caen. Bravo Eva! Merci, bravo maîtresse, merci beaucoup. Cristal est partenaire de ces concerts, donc on vous offre vos places maintenant. Sélection par SMS et si jamais vous êtes rappelé, vous tenterez votre chance en direct, Aurélie. Allez, on y va, vous envoyez votre numéro de téléphone au 71112 avec votre petit prénom aussi. Tout ça avec Cristal au début de votre message. Bonne chance, la suite des hits, ils reprennent, ils sont repartis pour une troisième heure dans le 16-20. Quand même. Calogero, Tibbs et Kaigo maintenant avec Selena Gomez, It Ain't Me. Oh, tu le dis bien. Dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I'll be home, and you'll be on your own. Just

On a la rage au cœur, nos langages subtils viennent d'ici et d'ailleurs, nous ferons face. Et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse, la nation guérit. Nation sur Cristal, première hit radio en Normandie, à suivre Vianney et Kungs, le DJ qu'on adore. Nous allons accueillir Nathalie avec Aurélie, qui est là. Bonjour Nathalie. Bonjour Evan. Salut Nathalie, toi t'es en voiture avec tes enfants là. Bonjour Aurélie. On est garé. Ah, c'est bien, c'est bien de prévenir. Oui. Nathalie. On est stationné sur un parking, etc. Bon, parfait. Nathalie, garée dans sa voiture pour jouer avec nous pour une très bonne raison, puisque les concerts The Voice vont passer en Normandie. Ils vont s'arrêter à Rouen et à Caen. Et tu vas tenter de gagner tes places. Ah bah, je vais gagner. Alors, faut savoir qu'en antenne, je lui explique qu'on va jouer ensemble. Elle me dit, allez, entre filles, tu peux me donner la réponse. Négociatrice, quand même. Dis donc, Nathalie, toi qui habites à Miseray, il y a de la corruption là-bas ? Comment ? Il y a de la corruption ? T'essayes de corrompre, Aurélie ? Ah, bah, je sais pas, mais non, c'était de la solidarité féminine. elle m'a pris par les sentiments, mais j'ai résisté. Toutes les méthodes sont bonnes. Bah, nous jouons. Elle m'a rien dit du tout. Bon. Rien promis. Non, mais je lui fais confiance. De toute façon, il était à côté. De toute façon, j'écoute tout ce qu'elle dit, je n'arrête pas de les pieds. Nous allons jouer à Menteur. Menteur. Cristal. Menteur, menteur. Le principe est très simple, Aurélie, rappelle de la règle. J'affirme une information, Ivan aussi, il faut que tu trouves le menteur. Il y en a un des deux qui a une mauvaise information. Mais qui va mentir ? D'accord. Voici la première affirmation signée Aurélie. Alors Nathalie, j'affirme que Chaim remplacera Zazie dans la prochaine saison de The Voice dans le jury. Chaim, la chanteuse évidemment, je précise, des fois que quelqu'un a oublié qui était Chaim. De mon côté, Nathalie, j'affirme que dans le Maine-et-Loire, une religieuse de 77 ans a été votée en overboard. Tu vois ce que c'est l'overboard ? Ah ouais, tout à fait. Mon fils, il en a pas, mais il en fait. Alors, selon toi... Tu serais pas en train de mentir, Evan, un petit peu ? Alors, déjà, je vais pas te dire ni oui ni non, parce que tu dois faire un choix. c'est important. Il n'y a pas de statistique de qui ment le plus, même si on sait que vous, les filles, vous mentez plus que les garçons. Ça arrive, oui, oui. Non. En fait, vous êtes plus malines que nous. Maintenant, après, il faut analyser les deux choses. Est-ce que une religieuse de 77 ans qui va voter en overboard, c'est totalement incroyable ? Est-ce que Chaim, qui va présenter la nouvelle star... Elle sera dans le jury de la nouvelle star pour être aussi dans le jury de The Voice, c'est-à-dire sur une deuxième chaîne de télévision. Voilà. Après, il faut se poser les bonnes questions. C'est pas évident. Non, c'est pas facile. Eh bien, ce que je te propose, c'est de patienter un tout petit peu. On va revenir dans quelques instants, dans à peine 10 minutes, et tu vas nous donner la bonne réponse. On n'a pas le choix parce que sinon, en fait, la publicité qui permet de payer nos salaires. Sephora, c'est la fête des pères chez Sephora. Découvrez notre sélection de parfums et coffrets pour hommes. Parce que les papas aussi méritent d'être gâtés. Et jusqu'au 18 juin, pour chaque flacon vide rapporté, Sephora vous offre 25% de remise sur leurs parfums préférés. Profitez-en vite. Voir conditions en magasin. Sephora, au cœur de la beauté. Bonjour. Bonjour monsieur. Je cherche une belle berline avec un grand coffre. Voici 4 typos à 11 990 euros. Elle a la clim ? Oui, 11 990 euros avec la clim. Et elle est garantie ? Oui, 3 ans et toujours 11 990 euros. Elle a combien de kilomètres ? Elle est neuve monsieur. 4 typos à partir de 11 990 euros sans condition. Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Et pendant les portes ouvertes, découvrez aussi le nouveau break typo Station Wagon. Ouverture ce dimanche dans le réseau participant. Fiat. Offre à particulier jusqu'au 30 juin pour Fiat Tipo 5 porte 1 litre 4,95 chevaux. Détails sur fiat.fr. Pour cette pub Bricoman, on voulait prendre Pierre, artisan, pour qu'il vous raconte comment nous l'accompagnons en lui proposant, grâce à sa carte Premium Pro, des tarifs préférentiels et le paiement différé. Mais on n'allait pas lui faire perdre du temps pour venir enregistrer cette pub. C'est vrai, ce serait pas pro. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Plus d'infos sur bricoman.fr. Dis donc, à propos d'impôts, tu sais que tu peux encore défiscaliser avec la loi Pinel. Alors tu vas me dire, oui, faut trouver l'appartement neuf, monter le dossier de financement, signer chez le notaire avant décembre. Alors ensuite, faut trouver le locataire, gérer les loyers, c'est compliqué. Mais pas et là, je te réponds qu'investir avec Bouygues Immobilier, c'est hyper simple. Et jusqu'au 30 juin, ils t'offrent les frais de notaire. Et 3 ans de gestion locative, je sais. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain, moi. Tiens, ton café. Bouygues Immobilier, bien plus pour vous. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d'impôt. Faire un investissement présente des risques. Conditions détaillées sur bouygues-immobilier.com. Ah, vous voilà, vous. Monster est justement sur une piste. La piste de votre prochain emploi. Monster flaire plein de pistes pour vous. Monster cherche et cherchera jusqu'à ce que vous trouviez l'emploi que vous méritez. Des emplois, des conseils, de la puissance. Monster.fr, téléchargez l'application. Entretien auto ? Eurorépar, car service, la confiance, ça s'entretient. Pour bien préparer l'été, vous avez des bons plans chez Eurorépar, car service ? Bien sûr ! En ce moment, profitez d'une remise de 50% sur l'achat de votre deuxième pneumatique pour rouler en toute sécurité. Et pour prendre rendez-vous ? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur eurorépar.fr. Eurorépar, car service, plus de 1400 garages près de chez vous pour l'entretien de toutes les autos, toutes marques. Offre réservée aux particuliers du 1er juin au 31 août 2017 chez les réparateurs participants. Modalité sur eurorépar.fr. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, nos enfants se lassent vite de ce qu'ils ont. Si vous saviez combien de jeux vidéo et de paires de baskets j'entrepose à la cave, heureusement, pour leur mobile, on a trouvé la solution. Chez SFR, louez votre smartphone et changez-le tous les ans pour le dernier modèle. En ce moment, le Samsung Galaxy S8 et son incroyable écran Infinity est à seulement 26 euros par mois pendant 24 mois avec un forfait Power 20 Go, engagement 12 mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre de location soumise à condition, valable jusqu'au 30 juin. Pour changer de mobile, réengagement de 24 mois sur la location et de 12 mois sur le forfait. Volkswagen véhicule utilitaire présente. Question pour un pro. Attention, question à 1 euro. Étendue jusqu'à 4 ans, je protège votre véhicule pendant tout votre financement. Je suis... Il me le faut. Ah oui, c'est... Je suis l'extension de garantie à 1 euro par mois. Quels que soient vos besoins, nous avons la réponse. En ce moment, l'extension de garantie jusqu'à 4 ans est à 1 euro par mois sur la gamme Volkswagen véhicule utilitaire. Extension de garantie valable en crédit bail de 36 à 48 mois sur la gamme utilitaire jusqu'au 31 juillet 2017 si acceptation par Volkswagen Bank. Offre réservée aux professionnels, conditions sur volkswagen-utilitaire.fr. Alors voilà le plan, tu rentres dans la banque et là tu dis... Donnez-moi la caisse. Ben non, tu dis juste donnez-moi 139 euros, ils sont sur ton compte et là tu t'offres la nouvelle Nissan Micra. Du 16 au 18 juin, pendant les portes ouvertes, la nouvelle citadine Nissan Micra fabriquée en France, avec des technologies d'aide à la conduite, est au prix exceptionnel de 139 euros par mois, sans apport, sans condition. Découvrez vite son nouveau design chez votre concessionnaire. Pour nouvelle Nissan Micra Visia, 1 litre 71 chevaux, LLD 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Cristal, la première hit radio en Normandie. Yeah. c'est Vianney. Cristal. La première hit radio en Normandie. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Et moi. Qu'on le supporte, que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi, quand moi aimais-toi, moi blessé. Moi. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tâche. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page. À suivre, M et le bal de Bamako. Cristal, menteur, menteur. Faut qu'on fasse un petit récap. Nathalie était avec nous. Nathalie du département de l'Eure, dans la voiture avec ses parents, jouant à menteur, menteur pour repartir. Avec ses parents. Avec ses enfants, pardon. l'inverse. Et Nathalie, elle jouait pour essayer de gagner ses places pour les concerts de The Voice à Caen et Rouen. On lui a proposé de faire le menteur, menteur en affirmant chacun une chose. Et pourtant, un de nous ment. Rappelons quelle était chaque affirmation, Aurélie. Alors, moi, j'affirme que Shaim remplacera Zazie dans le jury de la prochaine saison de The Voice. Moi, j'ai affirmé que dans le Maine-et-Loire, une religieuse de 77 ans a voté en overboard. Alors, Nathalie, tu nous as donné la réponse très rapidement en fin de jeu. On a fait patienter un petit peu tout le monde. Quelle est ta position? Qui, selon toi, ment? Tu as réfléchi. Ouais, j'ai réfléchi. Et comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc je dis que Aurélie raconte des bêtises. Donc Aurélie, Aurélie serait moi, la menteuse. Moi, je serais une menteuse, ouais. Ça ne me ressemble pas. Est-ce que c'est parce que j'ai dit tout à l'heure que majoritairement les filles mentaient? Bah oui, c'est ça, c'est un indice. C'est à cause de toi tout ça, Ivan. Eh bien. Voilà, c'est Ivan qui m'a donné l'indice. Nathalie, c'est gagné. Bravo. Merci beaucoup. En effet, Shaim ne va pas présent, ne sera pas donc dans le jury de la Nouvelle Star de la The Voice. Je me mêle les pinceaux parce que en fait, elle va présenter la Nouvelle Star à la rentrée prochaine, qui sera diffusée sur M6. Et franchement, il faut que je parle de cette religieuse. Elle est extraordinaire. Moi, c'est ma championne. C'est une religieuse de 77 ans qui est allée voter en overboard dans le Maine-et-Loire. Il y a une vidéo que vous pouvez voir en allant sur Internet. Et en fait, elle dit, vous savez, ça paraît compliqué comme ça, mais maintenant, je suis une pro. Il faut juste se pencher en avant pour aller un peu plus vite et en arrière pour se freiner. Et elle est là en overboard pour aller voter. Elle c'est est géniale. Stylé. Elle est extraordinaire. Elle a la technique. Ah mais vraiment, mais en plus elle est super douée. Bravo à toi, écoute attentivement merci ce que tu as remporté. Et bien toi tu vas peut-être pouvoir aller en overboard direction le concert, la tournée de The Voice. Alors tu préfères aller à Rouen, impeccable, je suppose. Oui, ça sera plus facile. Ce pour sera plus simple pour toi, donc au Zénith de Rouen. Donc ce sera le 30 juin prochain avec la personne de ton choix. Gros bisous Nathalie, merci bisous à tes enfants qui sont avec toi dans la voiture. Bonne fin de journée à tous les deux et merci à Cristal. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise, peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au mali des merveilles, le mali Dieu crée la flamme. Le mali danse dans mon âme, au niçois qui mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal et danse au son des balles de Bamako. Si tu penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui, c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité, douce sous Cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère. On y soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako.

Années 80, c'était Téléphone avec Cendrillon. Et dans quelques minutes, pour la suite des hits, il y aura Ed Sheeran. Et on va faire aussi un point sur vos conditions de circulation. Je vous rappelle ce numéro, 02 32 23 53 96, pour nous signaler tout ce que vous voyez sur les routes normandes. Rendez-vous avec la question du jour et Evan s'en charge aujourd'hui. Vous la retrouvez tous les jours sur le Facebook de Radio Cristal. C'est vous qui répondez. Chaque matin, il y a les résultats de vos votes. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale du don du sang, même si à beaucoup d'endroits, c'est maintenant à 18h40. Terminé. Avez-vous déjà donné? On a envie de vous sonder, vous les Normands, les Normandes. Réponse A, oui, c'est un geste gratuit qui sauve des vies, ce qui est totalement vrai. Réponse B, non, par manque de temps et ou par peur des piqûres. Voilà la deuxième réponse qu'on vous propose. Aurélie? Oui, je donne mon sang. Tu l'as déjà fait plusieurs fois? Oui. Félicitations. Moi, c'est vraiment par... Ouais, je vais dire manque de temps, non. Non, t'as peur des piqûres, arrête. Ouais, c'est plus par peur des piqûres. J'avoue, donc moi, ce sera réponse B. Vous voyez, c'est 50-50 pour nous. Allez voter sur le Facebook de Radio Cristal. Les résultats demain matin à 6h15 et 8h15 avec Nico et Alicia dans C'est déjà l'heure, qui seront d'ailleurs en direct de Cabourg demain. En effet. Un impact? Agissez avant qu'il ne fissure. Prenez vite rendez-vous sur carglass.fr. Et comme chez Carglass, on tient à ce que vous rouliez en toute tranquillité, pour toute intervention vitrage, on vous offre un an d'abonnement à la nouvelle application Coyote. Trafic, danger, limitation de vitesse, vous êtes alerté en temps réel. Alors, profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 1er juillet, conditions sur carglass.fr. Je pensais à quelque chose. Ah ouais, c'est quoi? Si c'est les jours, c'est maintenant chez Citroën. C'est maintenant, c'est pas après. Du coup, maintenant, c'est déjà passé. Mais on peut pas passer à côté de 5 000 € de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C4 équipé d'un toit vitré panoramique. C'est pour ça qu'il faut y aller maintenant et pas après. Tu es dépassé. Pendant les jours, c'est maintenant chez Citroën, bénéficiez de 5 000 € de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C4. C'est maintenant, c'est pas après. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Équipement selon version, offre valable jusqu'au 30 juin. Détails sur citroën.fr. Ça va pas, non ? Ça pique ! Top, top, top ! Ça brûle ! Je veux rentrer à la maison ! Vos vêtements méritent le meilleur pressing. Essayez Sequoia Pressing. Sequoia Pressing les aime. Sequoia Pressing les cajole. Sequoia Pressing vous les rend plus beaux. Sequoia Pressing, tâchez d'y penser. Sequoiapressing.fr. Ah, tâchez d'y penser ! Intersport ! Paul, viens, on y va. Et n'oublie pas le cadeau pour mon père. Ouais, bah, mais tu lui as pris les mêmes chaussures que les miennes? Oui, mais d'une autre couleur, Paul. Mais pourquoi? Ça vous fera un point commun comme ça. Ah. Vous allez adorer la fête des pères chez Intersport. Dès le 7 juin, les chaussures en toile homme Fila Keystone en 3 coloris au choix sont à 29,99 € au lieu de 39,99 €, soit 25% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Coincé dans les embouteillages? Vous êtes surtout coincé dans un job qui ne vous convient pas. Monster ne tolère pas que votre talent reste au point mort. Alors, Monster cherche et cherchera jusqu'à ce que vous trouviez l'emploi que vous méritez. Des emplois, des conseils, de la puissance. Monster.fr. Téléchargez l'application.

Un point sur vos conditions de circulation. Aurélie, regardez tout ça pour vous. Joie, bonheur et fluidité sont les mots d'ordre de la circulation normande en ce mercredi soir. Je n'ai aucun bouchon ou accident à vous signaler. Que vous soyez à Caen, Rouen, Évreux, Lisieux ou sur la 13, la 28, la 84 ou encore la 150, profitez. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. 02 32 23 53 96. Vous nous informez en temps réel de tout ce qui se passe sur les routes normandes grâce à ce numéro. Hi, this is Ed Sheeran. Crystal. A club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like

À Lisieux dans quelques instants avec une belle histoire, une histoire de chatons. Ils sont plusieurs et c'est Aurélie qui nous contera cette belle histoire. Avant d'entendre la suite de vos hits préférés sur Cristal, The Weeknd, Bébé Brune, encore Calvin Harris. On part du côté de ceux et celles qui font la grasse matinée, Aurélie. À tous les paresseux qui sont capables de consommer 12 heures de sommeil et de se réveiller tard la semaine ou le week-end, sachez que traîner au lit, c'est mauvais pour la santé d'après une étude menée par des chercheurs américains. Par exemple, si le week-end, vous avez une heure de décalage avec le réveil en semaine, eh bien, ça augmenterait de 11% le risque de troubles cardiovasculaires et ça augmenterait aussi le cholestérol. Donc voilà, ça fait un peu froid dans le dos, mais ce n'est pas fini. Les mauvaises nouvelles sont encore là. Se faire des grasses mats, ce serait mauvais pour la ligne et pour l'humeur. Le manque de régularité, en fait, dans le sommeil augmenterait le risque d'obésité de 33%. C'est énorme. Et ça augmenterait aussi votre niveau de ronchitude. Je comprends mieux maintenant. J'arrête les grasses matinées. Parce qu'il faut savoir qu'Aurélie, elle est vraiment dans ce cas de figure-là. Elle peut rester des heures au lit. Mon record, c'est 16 heures. Je ne sais pas si vous rendez compte. D'ailleurs, j'ai besoin de sommeil et j'y vais. Salut. Mais 16 heures d'affilée sans même te réveiller une seule fois. Ouais. Ça non, mais peur. Ça après, oui. Bon. Eh ben, elle a besoin de sommeil, la petite de 22 ans. Hein, c'est pour ça, elle a besoin de repos. En tout cas, pensez-y, désormais, vous le saurez et vous le savez, le fait de dormir longtemps n'est pas très bon pour vous. 30 secondes chrono. 30 secondes pour répondre à un maximum de questions et faire le plein de cadeaux. Et cette semaine, gagnez une semaine de vacances pour 4 dans l'un des 81 villages VVF. Il y a 81 VVF villages partout en France et vous partirez à 4 avec vos enfants et en pension complète. Au village, il y a des piscines, des activités, des clubs enfants pour les tout-petits jusqu'aux ados et des animations. Allez découvrir la vie de village sur vvf-village.fr. 30 secondes chrono, c'est tous les jours sur Cristal. Voilà, c'était le dernier carton. Reste plus qu'à emballer le vase derrière toi. Hein? Chérie, le vase. Le vase? Oui, le vase. Où ça? Là. Attention, il est au bord. Mais au bord de quoi? Le vase, là, il va. Eh ben, c'est trop tard. Ah. Chérie! Vous n'êtes pas toujours réactif? Heureusement pour vous, le régulateur de vitesse adaptatif ACC de série sur le Touran Sound adapte automatiquement votre vitesse au véhicule devant vous. À découvrir pendant les jours Volkswagen Innovation du 1er au 30 juin. Portes ouvertes ce week-end. Dis donc, à propos d'impôts, tu sais que tu peux encore défiscaliser avec la loi Pinel. Alors tu vas me dire, oui, faut trouver l'appartement neuf, monter le dossier de financement, signer chez le notaire avant décembre. Alors ensuite, faut trouver le locataire, gérer les loyers, c'est compliqué. Et là, je te réponds qu'investir avec Bouygues Immobilier, c'est hyper simple. Et jusqu'au 30 juin, ils t'offrent les frais de notaire. Et 3 ans de gestion locative, je sais. D'ailleurs, j'ai rendez-vous demain, moi. Tiens, ton café. Bouygues Immobilier, bien plus pour vous. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d'impôt. Faire un investissement présente des risques. Conditions détaillées sur bouygues-immobilier.com. Avant de déménager, avez-vous tout vérifié? Le camion? T'as oublié quoi? J'ai oublié de louer le camion, mais c'est pas grave, on prendra le bus. Ben quoi? Un bus, c'est comme un camion, non? Les copains? Allô? Oh, vous êtes en Thaïlande? Du coup, pour mon déménagement, je... Allô? Et le gaz? Ouh, mais

des hits, c'est forcément Crystal. C'est partout en Normandie. Calvin Harris avec My Way et Major Lazer en souvenir de 2015. Dans quelques instants, en souvenir de l'été 2015. On partira du côté de Cabourg tout à l'heure pour le festival du film romantique. Et là, on s'arrête à Lisieux avec Aurélie pour une belle petite histoire de chaton. C'est découverte insolite à Lisieux aujourd'hui. Il y a une jeune femme qui a découvert 3 petits chatons blottis contre la batterie de sa voiture. Donc, elle les a découverts en ouvrant le capot. Alors, ça paraît triste comme ça, mais ces chatons d'un mois ont été pris en charge par l'association Les Chats du Cœur qui les a conduits chez le vétérinaire. Ils sont en très bonne santé et sont en ce moment dans une famille d'accueil et ils sont du coup mis à l'adoption. Alors si ça vous tente un petit chaton ronron thérapie, c'est super ça. Il faut savoir qu'Aurélie, on lui a proposé aujourd'hui par un collaborateur qui habite à Lisieux de prendre un petit chat. Oui, et pour elle hésite. J'hésite parce que j'ai déjà un chat et je veux pas lui faire d'infidélité. Oh, minou. Mais les 3 chatons donc sont mis à l'adoption. Si vous êtes du côté de Lisieux et que vous voulez vous réveiller avec la ronron thérapie qui est juste géniale, avec un petit chat qui ronronne le matin contre votre oreille, eh bien vous pouvez appeler au 06 26 15 03 65. 06 26 15 03 65. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire maintenant pour essayer de récupérer l'un de ces petits chatons et qu'il soit dans un foyer, en plus, peut-être le vôtre. Trop mignon, j'ai vu la petite heureux. Photo. Oh, trop mignon. Minou. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems. Bienvenue sur Cristal. Cristal, la première hit radio en Normandie. Avant 20h, pour la suite de vos hits, il y aura Ours avec Jamais su danser. Il y aura Louis Fonsi également. Et à partir de 20h, c'est Aurélie qui va rester avec vous. Je prends les commandes de cette émission ce soir. Est-ce qu'on va aller du côté de Montréal ce soir? Ah oui, 21h30, rendez-vous avec Lisandre, notre reporter québécoise. Et c'est un peu exotique puisque j'adore son accent. Moi aussi, ouais, elle est géniale et vous la retrouverez tout à l'heure. Donc avant 22h, tous vos messages normands vont bien sûr pouvoir passer ce soir par SMS Cristal au 7 11 12. Et le numéro du répondeur 02 32 23 53 96. Demain, c'est un événement, puisqu'il y a des petits changements demain matin. Moi, je vous réveillerai de 5h à 7h, donc c'est déjà l'heure. Et à partir de 7h, Nico sera en direct du Festival du film romantique de Cabourg, qui a débuté mercredi avec plein de stars. Ah oui, c'est bon, on est mercredi. Non, quelle journée aujourd'hui? Nous sommes mercredi, demain c'est ça. Ça a débuté aujourd'hui. Tu es un peu paumé des fois dans le calendrier. Ça va aller, tu vas aller dormir aussi. Tu es fatigué. J'ai été un petit peu, bon, pour rien vous cacher, un petit peu malade cette nuit, ça m'a perturbé. Et donc du coup j'ai passé une très mauvaise nuit. Allongez-vous sur le divan, monsieur. J'ai besoin de parler. Bon, je vous fais un gros bisou, je vous retrouve demain matin, je l'espère, en pleine forme à partir de 5h. Oui, pour retrouver donc Nico et toute l'équipe de C'est déjà l'heure en direct du Festival romantique de Cabourg. Et moi je serai là à partir de 16h sur Cristal. Belle soirée. Bisous les doudous. Non mais maman, c'est une blague. Comprends-moi ma chérie, ce sont les offres immédiates Opel en ce moment, avec des offres exceptionnelles chez les concessionnaires. Mais c'est quand même mon mariage, c'est pas tous les jours. Mais les offres immédiates Opel non plus ne sont pas tous les jours. Quelle idée de se marier le jour où je peux bénéficier d'une reprise Argus plus 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Tu veux faire de la peine à ta pauvre mère, c'est ça? Pendant les offres immédiates Opel, bénéficiez d'une reprise Argus plus 4 300 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 juin selon autorisation.

Et si l'on me demande, je rentre après la nuit, quand tout sera éteint. laisse-toi un jour embarquer. T'es bien engourdi, empêtré, reste bloqué. Jamais su.